À l'occasion de la journée de la brillante étoile, les rassemblements, séminaires, expositions de livres et de photos et séances de films ont eu lieu en Népal, au Laos, en Thaïlande, en Chine, à Singapour, en Biélorussie, en Suède et en Autriche, en présence des personnalités de différents milieux et d'autres habitants. Dans les salles d'exposition étaient exposées les photos qui présentent les exploits immortels du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il et les activités révolutionnaires du dirigeant suprême Kim Jong-un. Y étaient également exhibées les œuvres classiques des grands hommes Baekdusan et les livres et photos montrant les activités dynamiques des militaires et civils coréens pour l'édification d'une puissance socialiste avec l'esprit de la capacité de se renforcer soi-même. Aux séances de film, on a projeté les documentaires coréens comme Kim Jong-il. Aux cérémonies tenues au Népal, on a adopté le message de félicitations à l'adresse du maréchal Kim Jong-un.